Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis et ne me veut plus jamais voir, tellement que je suis un pauvre garçon à présent, sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Gorgibus. Allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Sganarelle. Je vous serai bien obligé, monsieur Gorgibus. Sganarelle sort et rentre aussitôt avec sa robe de médecin. Scène 12e. Sganarelle, Gorgibus. Sganarelle. Il faut avouer que, quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin, et qu'ils s'abandonnent à la débauche que... Gorgibus. Monsieur le médecin, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce. Sganarelle. Qu'y a-t-il, monsieur? Est-il question de vous rendre service? Gorgibus. Monsieur, je viens de rencontrer monsieur votre frère, qui est tout à fait fâché de... Sganarelle. C'est un coquin, monsieur Gorgibus. Gorgibus. Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en colère. Sganarelle. C'est un ivrogne, monsieur Gorgibus. Gorgibus. Eh, monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon. Sganarelle. Qu'on ne m'en parle plus. Mais voyez l'impudence de ce coquin-là, de vous aller trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler. Gorgibus. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, faites cela pour l'amour de moi. Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagé et... Sganarelle. Vous m'en priez avec tant d'insistance que... Quoique j'eusse fait serment de ne lui pardonner jamais, allez, touchez-la. Je lui pardonne. Je vous assure que je me fais grande violence et qu'il faut que j'aie bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus. Gorgibus. Monsieur, votre très humble serviteur. Je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Gorgibus rentre dans sa maison et Sganarelle s'en va. Scène 13e. Valère, Sganarelle. Valère. Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Sganarelle rentre avec ses habits de valet. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligation, que j'ai de joie et que... Sganarelle. Ma foi, vous parlez fort à votre aise. Gorgibus m'a rencontré, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Mais fuyez-vous-en, le voici. Scène 14e. Gorgibus, Sganarelle. Gorgibus. Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais, pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Sganarelle. Ah, monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère. Gorgibus. Ah, vous demeurerez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Il sort. Sganarelle, de la fenêtre. Ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais, et j'ai bien peur que s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos fort ce coup de bâton, ou que par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un cautère royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer, puisque j'ai tant fait? Poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, oui, il en faut encore sortir, et faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Il saute de la fenêtre et s'en va. Scène 15e. Gros René, Gorgibus, Sganarelle. Gros René. Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Gorgibus. Je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais où diable il s'est caché. Apercevant Sganarelle qui revient en habit de médecin. Mais le voici. Monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi, et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Sganarelle. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Gorgibus. Mais monsieur, pour l'amour de moi. Sganarelle. Je ne me saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Gorgibus entre par la porte et Sganarelle par la fenêtre. Gorgibus à la fenêtre. Voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Sganarelle à la fenêtre.

Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et suis heureusement trompé par Sganarel, ayant un si brave gendre. Allons tous faire noce et boire à la santé de toute la compagnie. » Ainsi s'achève le médecin volant de Molière.